les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Que montre la télévision ? Quelle question ? Eh bien si, c'est une excellente question, la preuve, Serge Danet, critique de cinéma, comme l'on sait, se la posait cette question, puisque comme François Mauriac, André Bazin, Emmanuel Berle et Maurice Clavel, il s'était astreint à son étude éclairée et pleine d'enseignements. 5 émissions de la série de l'été 2010, signée Meryl Moneghetti, nous le rappelle et l'illustre par les ondes. Le zapping, sous toutes ses formes, l'absence et le trop d'images, cabotinage et rage sur terre battue, la littérature au service de la politique et vive les clips, Video Killed the Radio Star. Danet croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec l'INA, Philippe Vandel prête sa voix à Serge Danet. Aujourd'hui, le zapping sous toutes ses formes. Moi je dois appartenir à la dernière génération, moi je suis né en 44. Et dans une famille très modeste, donc la télévision, elle n'existait pas pour moi. Elle existait chez les riches quand j'étais petit. Ouais. Et elle ne me manquait pas, puisqu'on avait cette télévision absolument villageoise et normale qu'était le cinéma. Je l'ai eu, moi, très tard, et je l'ai toujours bien aimé, et je l'ai toujours regardé en cinéphile, c'est-à-dire en lui posant les mêmes questions que j'avais appris à poser par et grâce au cinéma. Alors c'était un point de vue, disons, un peu trop sérieux ou un peu trop futile, assez pervers. La télévision n'est pas le cinéma, je me rends compte de plus en plus. En même temps, ça permet de voir des choses. Bonjour. Sa voix est-elle aussi culte que ses critiques sur le grand et le petit écran ? Période cinéphile pour les cahiers du cinéma dans les années 60-70, période théorie critique des images élargie à la télé pour les pages de Libé dans les années 1980 et jusqu'à la revue Trafic au début des années 90. Tout en parole avec ce goût prononcé pour les formules denses qui font sens, nous retrouvons le Serge Danet des microfilms sur France Culture, du mythique itinéraire d'un cinéphile au micro de Régis Debray sur la 3 en 92, peu avant sa mort, et ce matin, c'est notre archive, au micro de Philippe Mayer dans Allegro Serioso, le 9 février 1991. On le retrouve fidèle à son idée, mais aussi à celle de Bazin et de Mauriac et consorts, que la télévision n'est pas de l'art, mais un super téléphone, et comme l'a défini justement Bazin en 55, une acquisition capitale en tant que technique de reproduction et de transmission. 100 jours durant, l'année où le PAF s'éclate en 6 chaînes, Danet plonge dans le flux des images télévisuelles de septembre à décembre 1987, ce sera le salaire du zappeur. Il use et décline et abuse du mot zapping lancé en France l'année précédente par Philippe Vandel dans un article pour la revue Actuelle. Anglicisme venu du Canada, les Québécois disent zappage, no comment, et les Anglais le pratiquent sous la forme du channel surfing. Disons-le d'emblée, le regard de Danet sur la télé est moral. Libération, 17 septembre 1987, le zappeur est dans la télé. Le zapping est depuis toujours une invention de la télévision. Il lui est inhérent et, zappant comme des fous, nous ne faisons qu'en généraliser l'usage et en réaliser le concept. Depuis que la balle est dans le camp du téléspectateur, celui-ci se venge de son ex-passivité en exagérant le fonctionnement normal de la télé. Fonctionnement qui consiste à tout interrompre, les gens, les programmes, au nom d'impératifs supérieurs. Il faut toujours rendre l'antenne, le temps manque, la pub exige de passer, la fusée Ariane piaffe à Kourou. Seule différence, le zappeur n'obéit qu'à des impératifs inférieurs. Caprice, indifférence, perversion lasse, peur de s'ennuyer. C'est dans le talk show que ces choses-là sont le mieux visibles. Quelqu'un, Mitterrand aujourd'hui, Chaban hier, invite une brochette de gens mollement d'actualité et, sans doute pour ne pas paraître partial, les choisit très différents, voire à des années-lumière les uns des autres. Ils sont là, timidement vautrés dans toutes sortes de décors, ils attendent leur tour, ils sont gentils et souvent acculés à l'humour. Cette fraternisation de salle d'attente avant la fraise du dentiste crée une complicité désarmante où scintille faiblement l'idée que le monde est plein de gens intéressants, étonnamment simples et pour tout dire, sympas. Ne reste au présentateur qu'à les vendre ensemble ou séparément, en passant de l'un à l'autre ou organisant leur babil collectif. Ce faisant, le présentateur zappe à sa façon, donnant et retirant la parole, exactement comme on pianote sur une télécommande. Permission de minuit, mardi, a manifesté à l'évidence le dérapage de cet auto-zapping du talk show. Il ne suffisait pas pour Frédéric Mitterrand d'inviter des gens aussi différents que Francis Lopez et Dick Rivers. Il fallait que ceux-ci se livrent en direct à d'improbables mamours. On a donc vu le vieux Lopez dire du moins vieux Rivers qu'il l'aimait, à cause de son évidente sincérité. Et on a vu le rocker dire qu'il aimait bien l'As de l'opérette, à cause de Luis Mexico Mariano, admiration commune. C'est aussi à cause de tout ce temps volontairement perdu qu'on n'a quasiment rien appris de neuf sur eux. Les avantages de cet échange de rôles sont nombreux. Il enfonce le clou essentiel de la télé, à savoir que quiconque est télévisé appartient de facto à une grande famille. C'est lorsqu'on a obligé tout le monde à faire semblant de s'entraîner depuis des siècles qu'il reste du temps pour faire passer le grand message « Je n'aime que moi ». Serge Danet. C'était Danet croque la télé, série d'été de Mérine Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Pascal Baronzelli, Sébastien Labarre, Archivina Hervé Ivano. Lala. Danet croque la télé, série d'été de Mérine Moneghetti, en partenariat avec Lina, Philippe Mandel prête sa voix à Serge Danet. Aujourd'hui, l'absence et le trop d'images. Quand j'avais fait le salaire des appeurs, j'étais parti avec une hypothèse, qui était, disons, l'hypothèse Rossellini-Godard, qui était quelque chose du cinéma qui est très précieux, qui est en fait l'approche documentaire par rapport au monde, donc une certaine reconnaissance de l'autre en tant que c'est l'autre, qui est passé par le cinéma. Et puis, je me suis rendu compte, comme ça, au jour le jour, que la télévision, c'est certainement un moyen de transmission. La télévision devrait savoir que son rôle, c'est de transmettre et de montrer, ce qui n'est pas rien, et ce qui est extrêmement estimable. Voilà, c'est pas de la création. Bonjour. Vous venez d'entendre Serge Danet dans Allegro Serioso le 9 février 91. Quelles sont les images que nous ne saurions voir? Que montre la télévision? Serge Danet propose une critique de la norme de la perception. Il distingue une télévision qui véhicule de la culture, les bons jours, et du visuel, les mauvais jours. C'est-à-dire des images sans attente, sans désir, des images vides, alors que celles du cinéma, quand il est bon, seraient denses, feraient passer par des expériences. Dans ses entretiens avec Régis Debray en 92, il précise sa pensée. Je le cite. « Le visuel, c'est l'image des chanteurs à la place des enfants qui meurent de faim. L'image qui vient à la place d'une autre qu'on ne veut plus voir. Quand la question de l'autre a sauté, il n'y a plus que du visuel. » Avec la guerre en Irak, Serge Danet s'interrogera sur les images manquantes, celles que le téléspectateur doit reconstituer pour comprendre l'événement. De son côté, François Mauriac, à la fin de la guerre d'Algérie, évoque sa déception face aux images après le cessez-le-feu. Le hors-champ du terrorisme se fait jour sous sa plume en avril 1962, je le cite. Cette guerre encore chaude est déjà recouverte par une autre, dont les images eussent été insoutenables. Je ne souhaitais pas de voir les assassinés d'El Billar, mais les images que je m'en forme moi-même m'empêchaient de voir ce qu'on me montrait. Libération, 8 octobre 1987. Plein feu sur l'image. Matière première de la télévision, l'image, arrêtée ou en mouvement, fait parfois l'objet d'un débat. Journalistes, photographes et caméramen sont alors sommés de rendre compréhensible, sinon émouvante, la relation qu'ils entretiennent avec les gestes de leur métier. Ce fut le cas avant-hier encore au dossier de l'écran sur Antenne 2. Si l'on en juge par les questions posées par les téléspectateurs, une partie des interrogations, impasses déontologiques et autres, que sont censés travailler reporters et hommes d'image, commencent à être partagées par les consommateurs des dites images. Là-dessus, une certaine innocence n'est plus de mise. Alain Mingan, de l'agence Gamma, s'est raconté avec émotion la genèse d'une de ses photos, l'exécution d'un Afghan condamné par un tribunal islamique et populaire. Mais justement, il doit raconter tout cela, il doit ajouter le poids des mots au choc de la photo. Situation paradoxale, ce n'est pas que l'image ne dise rien, c'est qu'elle ne dit rien de précis et que les précisions, il faut les dire ou les écrire. C'est ainsi que nous disposons aujourd'hui d'une histoire complète, c'est-à-dire complétée, du plan de la petite fille d'Armerio, en Colombie. Une fois de plus, le débat de mardi soir a chopé sur un certain type d'image. Il a buté sur l'image inutile. Sur l'image que nous décidons de faire ou de regarder, alors que rien n'est moins évident que son utilité sociale. Il serait abusif de prétendre que le plan de la petite fille d'Armerio aide à la prise de conscience de quoi que ce soit. Et s'il faut la mort en direct d'une petite fille pour que les braves gens regardent sur un atlas où se trouve la Colombie, c'est un peu cher payé la pédagogie. Et en même temps, il serait léger de prétendre que cette image nous laisse froid. le spectacle de l'impuissance humaine face aux catastrophes naturelles est le seul qui puisse nous rappeler à un sentiment minimal d'humanité. Pourquoi avons-nous plus que jamais besoin de ces images? Parce qu'elles font écran réel, nous les voyons douillet à la télé, et parce qu'elles sont aussi l'écran où s'inscrit le rappel de quelque chose d'inoubliable. Dans les siècles démocratiques, disait Tocqueville, les hommes se dévouent rarement les uns pour les autres, mais ils montrent une compassion générale pour tous les membres de l'espèce humaine. Tous les membres, et surtout les enfants. C'est pourquoi l'époque est traversée par des images d'enfants. Images inutiles, d'enfants morts inutilement. Images même du gâchis. L'enfant juif du ghetto de Varsovie, les bras levés. La petite fille nue sur une route vietnamienne. La fillette d'Armerio. Ces images, parce qu'elles sont sans contre-champ possible, fonctionnent sans doute à la façon des seules images pieuses qui nous restent. Et c'est tout honte bu que nous les gardons en mémoire. Serge Danet. C'était Danet crotte la télé, série d'été de Mérine Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Pascal Baronzelli, Sébastien Labarre, Archivina Hervé Vano. Lala. Danet crotte la télé, série d'été de Mérine Moneghetti, en partenariat avec Lina, Philippe Vandel prête sa voix à Serge Danet. Aujourd'hui, cabotinage et rage sur terre battue. 30, bonjour. Avez-vous suivi le match Odyssée du français Nicolas Mahut contre l'américain John Isner lors du dernier tournoi de Wimbledon? Alors que nous vivions le feuilleton absurde et pathétique des Bleus en Afrique du Sud, un petit français s'illustrait à Londres et perdait dans la gloire à l'issue du plus long match de l'histoire du tennis après 5-7, 11h et 5 minutes de jeu. Cette durée record est remarquable aujourd'hui si l'on songe que le tennis a dû adapter ses règles à la retransmission télévisée pour justement éviter ces phases de jeu interminables. Serge Danet, passionné par ce sport sur terre battue ou sur gazon, a laissé de très beaux textes sur le tennis. Dans les années 70, le spectacle sportif bénéficie des progrès techniques. 7 caméras sont installées pour filmer les internationaux de France en 71. Un pas décisif est franchi en 78 à l'occasion du cinquantenaire de Roland-Garros quand TF1 signe la retransmission en direct du tournoi. Dans les années 80, on entre dans l'ère de l'argent roi et des sportifs stars couverts d'or qui jouent de leur image et cabotinent sur le terrain pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ainsi Jimmy Connors qui prend d'assaut la chaise de l'arbitre le 3 juin 1985. Devant un Cancelotti médusé, Connors va expliquer à l'arbitre qu'il ne doit pas aider le juge de ligne à retrouver la trace d'une balle. Il doit retrouver la trace tout seul. Petit retour en arrière pour la bonne compréhension de la scène. Service Connors, ace. Le reste se comprend tout seul, il n'y a qu'à écouter l'arbitre. Pourriez vérifier la marque, s'il vous plaît? Non, plus haut. Un peu plus haut. Retour au début de la scène. S'il vous plaît. Et oui, Jimmy s'est offert un peu de bon temps car il n'a jamais été inquiété par l'Italien Cancelotti, même s'il a perdu le premier set. Connors vainqueur en 2h30 et 4 manches. Libération, 16 septembre 1987, le smash de la rage. Tout le monde se souvient du moment où le tennis perdit ses belles manières et nul n'ignore que la télé y fut pour quelque chose. Ce qui était banni des cours revenait par la lucarne du petit écran et devenait peu à peu une partie du spectacle total qu'était devenu le tennis. L'indifférence de Borg à ce qui n'était pas son tennis, les « ah » de Connors et le flip gambadant de McEnroe dessinèrent, au début des années 80, le nouveau visage du tennisman de haut niveau. Champion peut-être, mais gentleman plus jamais. Parce qu'il était total, le spectacle des grands tournois incluait ce qu'il n'était plus possible de dissimuler. Que le tennis n'est pas le contraire de la violence, sauf que celle-ci est plus souvent dirigée contre soi-même qu'adressée à l'autre. L'élégance a donc disparu à mesure que, du tennis, l'œil du téléspectateur attendait autre chose que de l'élégance. C'est ainsi que l'infernal Connors et l'aberrant McEnroe furent aimés en raison même de leur mauvaise manière, parce qu'elles étaient finalement plus intéressantes que la classe guindée des derniers stylistes, de Claire à Gomez. Tout cela, au demeurant très humain, creusait la scénographie du tennis d'une dimension supplémentaire. Celle du gros plan après l'échange, du replay désarticulé, de la trivialité stroboscopique du ralenti, du micro à hauteur de cour. C'est ainsi que le nombre d'événements à la seconde s'est gonflé de tous les affects, tics, pulsions et rages muettes dont un corps est capable. Puisqu'il n'était plus question de refouler l'agressivité du tennis, puisqu'il n'était plus suffisant de la constater à l'image, il allait s'agir de lui donner son vocabulaire gestuel, donc visuel. Là où Connors mêlait naturellement rogne et humour, là où McEnroe conjuguait sens forcé, folie et lucidité, les petits jeunes des années 80, qui malgré leurs dons n'avaient pas tous le célèbre killer instinct, se virent obligés de fabriquer des gestes que tout le monde puisse voir. Des gestes peu élégants mais humains, où se lirait leur tristesse de n'être jamais assez des tueurs. C'est à ce moment qu'entre télé et tennis, l'inceste a eu lieu. Serge Danet. C'était Danet crotte la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Pascal Baronzelli, Sébastien Labarre, Archivina Hervé Ivano. Danet crotte la télé, série d'été de Meryl Moneghetti en partenariat avec Lina, Philippe Vandel prête sa voix à Serge Danet. Aujourd'hui, la littérature au service de la politique. Michel Rocard, lecteur. D'abord, est-ce qu'un homme comme vous, qui est donc député, maire, personnage très important du Parti Socialiste, est-ce que vous avez le temps de lire autre chose que des dossiers, des journaux et des livres de politique et d'économie? Oh, bah heureusement, vous savez, tout de même. Je ne suis pas sûr que je pourrais vivre sans ça. Vous savez, il reste le train, l'avion, mon bateau l'été, et puis je ne m'endors pas sans lire un peu chaque soir. Oui. Parfois même beaucoup. Oui. Quand par exemple la télévision est ennuyeuse, mais c'est tellement rare, je m'endors en lisant. Bonjour, le petit échange que vous venez d'entendre est extrait d'Apostrophe le 23 octobre 1987. Cet automne fameux est marqué par le lancement sur Canal+, de Nulle part ailleurs, émission cultissime qui a importé en France le concept anglo-saxon très plaisant du Music and News, où l'on mêle musique et info, culture et humour, concept que le grand journal pousse à son paroxysme aujourd'hui. Les puristes du journalisme nous mettent en garde contre les excès du mélange savoureux et enivrant du divertissement et de l'information. Le profond et le sérieux, l'essentiel et l'accessoire s'y diluent et tout devient relatif. Bazin, Mauriac, Berle et Clavel se sont tous penchés sur la question du mélange des genres à la télévision et sur celle de l'authenticité et des dérives de l'impératif de l'image pour les hommes publics. Et Mauriac de noter en 1960 « Nous pensons à capter le regard avant de songer à convaincre les esprits ». Serge Danet, lui, traque avec toute sa ferveur ironique les différentes formes d'images vides. Il s'interroge sur le passage des politiques dans les émissions littéraires et la perte de sens et de profondeur qui s'ensuit. Prémonitoire, dépassé ou dérangeant comme dans un bon film d'anticipation, je vous laisse juge. Faites-moi comme ça, en quelques phrases, un éloge de la lecture. Enfin, bon, vous me cueillez au débotté. Moi, la lecture m'a fait. J'avais 16 ans en 1946, le moment des choix et des engagements de l'adolescence. Presque tout ce qui pensait, et en termes politiques de ma génération, s'est engagé au Parti communiste, moi pas, des lectures. Parce que des lectures nous ont dissuadé d'entrer au... Absolument, Kravchenko, en l'espèce. Et puis Koestler, déjà, le zéro et l'infini. Mais en même temps, la joie de vivre, enfin. J'ai commencé avec Bibi Fricotin, c'est après tout une lecture aussi, tout de même. Libération, 26 octobre 1987. Les manières brutales de Pivot ont parfois leur bon côté. Cet homme, dont le message essentiel est que la lecture est un chouette remède à l'ennui, ne tolère pas, c'est logique, de s'ennuyer dans sa propre émission. Tout invité au verbe lent, ou porté sur les clichés, l'exaspère. On sent qu'il se mord mentalement les doigts de ses erreurs de casting, et, sur son visage où, au-dessous et en-dessus de ses lunettes, tout se lit, y compris hélas le mépris, le regard excédé se fait vite noir. À ces moments-là, Pivot est utile, car il est le premier et le meilleur juge de ce qui cloche sur son plateau. La situation est encore plus exaspérante lorsque l'écrivain ennuyeux est un homme politique. Elle est sans espoir lorsqu'il s'agit d'un présidentiable en quête d'images à renflouer. C'est ce qui s'est passé vendredi dernier avec un apostrophe consacré à Michel Rocard et dont le manque d'intérêt laissa triste et pantois. Pour sauver les hommes politiques du discrédit croissant de leur discours, la télévision leur a donné une seconde chance, celle d'un recyclage littéraire. Faisant d'une pierre deux coups, elle s'est légitimée dans le rôle d'un agent de démocratisation et de désacralisation du politique. Ce faisant, elle a pris acte d'une mutation dont les signes ne manquent pas. L'homme politique est de moins en moins jugé sur une pensée politique qu'il serait censé avoir, mais sur sa capacité à parler au social et en social. Voir les prestations de Mitterrand, pionnier du genre, d'abord chez Mourouzi, puis chez Okrent. Au même titre que la cuisine ou le sport, la littérature fait partie de la société française. Pivot, qui aime déjà le bon vin et le football, est l'homme qui leur fera passer cet oral public de lettres modernes. Le voici examinateur rêvé pour une classe de grands prédateurs devenus belles âmes et grands débutants. Tout cela est dérisoire et plaide moins pour l'amour des livres que pour ce devenir d'image à tout faire que la télévision, sous prétexte de les rendre plus proches, réserve à tous ses habitués habitants, politiques compris. On aimerait être déjà arrivé au dernier stade de ce dérapage où l'homme politique serait jugé sur sa connaissance des vins et où Le Canuet, par exemple, perdrait d'un coup toute crédibilité pour avoir parlé sans inspiration ni chaleur du bœuf gros sel à la télévision. Serge Danet. C'était Danet croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, réalisée par Christine Robert, à la technique Pascal Baronzelli, Sébastien Labarre, Archivina Hervé Vano. Danet croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, en partenariat avec Lina, Philippe Vandel prête sa voix à Serge Danet. Aujourd'hui, vive les clips! Video kill the radio star! Bonjour! Vous souvenez-vous de cette chanson des Buggles? Mêlant une esthétique rétro à celle des années 80, elle a inauguré les débuts de la chaîne musicale MTV en 81. Serge Danet, mêlant comme toujours regard cinéphile et télécritique, se passionne pour les clips et en particulier pour l'art de Jean-Baptiste Mondino, qui lui aussi joue des références anciennes et nouvelles avec Maestra. D'ailleurs, il est couronné d'une victoire de la musique pour la vidéo d'Erita Mitsuko sur la chanson « C'est comme ça, la la la la la la » en 87. Si certains voient dans le Scopitone des années 60 l'ancêtre du clip, voire dans les petites musiques qui accompagnaient les films muets, c'est vraiment dans les années 80 que cette forme d'expression multimédia mêlant images, marketing, esthétique et recherche expérimentale se développe pour le plus grand plaisir des fans de cinéma et des aficionados de musique. Peut-être, d'ailleurs, faites-vous partie aujourd'hui des collectionneurs de DVD réunissant les clips de Michel Gondry ou le Mia Dayam côtoie les féeries étranges de Björk, ou bien traquez-vous sur YouTube Dailymotion le mini-film de John Landis pour Michael Jackson, le fameux thriller de 14 minutes qui a fait éclater le genre de la chanson filmée, comme le fait à sa façon Mondino. Fred Chichin et Catherine Ringer s'en expliquent au micro de José Arthur en 1995. Donc les clips, vous les avez faits, pour moi je ne suis pas un client des clips de nature, je trouve qu'une chanson elle se suffit elle-même, mais ça c'est chacun sa théorie, c'est peut-être question de génération, mais enfin bref, mais vous l'avez rêvé tout de suite de faire un clip quand on vous l'a proposé, pour vous c'était une façon encore de vous exprimer par le geste ou... Moi je crois que quand on nous a proposé de faire un clip, on a sauté sur l'occasion parce qu'on sentait que ça allait être quelque chose qui nous plairait à faire et on s'est investi dedans. Ah oui, c'est à fond, hein. Oui, complètement louf, mais c'est drôle. Celui qui était le plus trafiqué, c'était C'est comme ça, parce qu'on tournait à la vitesse inférieure en fait. Oui. On tournait au ralenti, on visionnait, mais comme c'était en vidéo, on visionnait tout de suite comme à la télé. Oui. Le tourner en ralenti, c'est-à-dire qu'on faisait tout au ralenti. Oui, on faisait tout au ralenti, ensuite on repassait le morceau en vitesse normale, et donc ça donnait ce mouvement. Il y a une télé avec le singe. Il y a un singe qui zappe en fait. Libération, 30 octobre 1987, Mondino, l'as de la hanche. Incontournablement, le clip est en train de gagner ses lettres de noblesse. Si l'on en juge par le ton sérieux et un brin fier des animateurs faussement délurés du boulevard des clips, mercredi soir sur M6, il y a désormais quelque chose de commun entre le clip d'auteur, la pub d'auteur et le cinéma d'auteur à la française. Nouvelle espèce dans notre zoo d'images, le clip comprend deux ou trois sous-espèces et pas mal d'hybrides. Il y a d'abord le clip lent, à climat, poétique, avatar des anciens interludes de l'ORTF et voué à célébrer la photogénie des êtres et des choses. C'est par exemple Gainsbourg, filmant Renaud, chantant sur une plage parcourue par une théorie de petits enfants nus. C'est un genre volontiers sentimental et nostalgique. Il y a ensuite le clip qui crie qu'il sait qu'il aimerait déjà une vraie fiction, un grand film canable. C'est par exemple Boutonnat et son clone tapageur de Barry Lyndon pour Mylène Farmer, La Libertine. c'est enfin le clip qui sait qu'il n'est qu'un clip et qui, du coup, invente. Ce sont les Modestes Merveilles signées Mondino, l'inépuisable hommage de Good à Grace Jones ou Découflé filmant le groupe New Order. Que fait Mondino ? Il part du fait que le clip est court, que la beauté est éphémère, que la grâce est rare et qu'il y a plus de choses dans un seul petit mouvement réel que dans les grands écarts stockés dans notre mémoire cinéphilique. Il ne prélève pas des images, il prélève sur les images. Il marche à l'économie et non pas à l'esbrouf. Mondino est un poète de la hanche et du déhanchement. Il en a épousé les versions burlesques avec les Rita Mitsuko zappées vives par un singe. Glamoureuse avec David Bowie face aux danseurs épuisés de Never Let Me Down. Et carrément sublime avec Jill Jones sur Paysage Jaune devant les enfants de Mia Bocca, ce pur chef-d'œuvre. Le vrai amour du cinéma, ce ne serait pas l'hommage nouveau riche des clips men au cinéma parvenu au dernier stade de sa décadence décorative. Ce serait le formidable détour par lequel un Mondino revient à la case départ du cinéma muet et du corps burlesque. Case départ que le cinéma, la télé et la vidéo ont désormais en commun. Serge Danet. C'était Danet croque la télé, série d'été de Meryl Moneghetti, réalisée par l'immense Christine Robert, à la technique Pascal Baranzelli et Stéphane Barr, archivina Sandra Escamez. Un grand merci à nos lecteurs, Jean-Noël Jeannenet, Serge Toubiana, Jacques Chancel, Jean-Pierre Dionnet et Philippe Vandel, et un grand merci à Hervé Manchette pour le partenariat INA. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture du 23 au 27 août 2010.